petite batterie. Plus de mesure, toi. Alors après. Essaye de faire. De mettre plus de mesure. Je suis en train de régler. Il faut que je rentre le nombre de mesures. Là, je suis en remis encore. On va essayer de faire. Ça va être plus lent. Je pars à zéro pour voir. Je sais pas s'il y en a. Je sais pas combien il y a de mesures. Je pars à zéro. Là, je suis en train de calculer. sais pas si ça a passé, mais normalement on doit pouvoir passer. C'est Phil qui m'a appris à diviser les deux pays. Tout ça. Je crois, hein, tu vois. Bon, faut être patient. Hein. Par contre, attends, il faudrait que j'arrive à voir le... Est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous rêvez? Yeah.